Manyanga. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce jeudi 23 avril 2020. D'abord, l'essentiel. La route nationale numéro 9, Bobanzandora, a été impraticable depuis la matinée de ce jeudi suite aux éboulements de terrain au niveau de Musigati qui ont fait d'énormes dégâts. Spes Caritas Kabanyana nous en dira plus dans ce journal. Le parti CNL déplore la recrudescence d'intolérance politique sur terrain et le harcèlement de ses membres. Dans une conférence de presse animée ce jeudi, le porte-parole de ce parti a réaffirmé l'engagement de ce dernier à participer aux élections. Et le gouverneur de la province Ngozi appelle sa population à accorder du temps aux activités champêtres et non à la campagne électorale qui va commencer pour éviter le manque de vivre dans les mois à venir. Vous l'entendrez également dans ce journal. Eric Wimana sur la mise en onde. Captez Isanganilo, écoutez la différence. L'assurance politique des véhicules qui seront utilisés pour transporter les personnes lors des propagandes électorales est obligatoire. Cela a été rappelé par Emile Manisha, commissaire de la police judiciaire, en même temps représentant du ministère de la Sécurité publique à la CENI lors de la réunion de la Commission électorale nationale indépendante avec les candidats aux élections de mai prochain, ce mardi. Il demande à ceux qui n'ont pas encore fait assurer ces véhicules de le faire parce qu'il y a encore du temps. Écoutez plutôt Emile Manisha, traduit par Armel Moutori. Lors de notre réunion à Gitega, on a parlé sur la question de transport. Vous qui êtes ici, les présidents des partis politiques et candidats, vous aviez soutenu que lors des propagandes, les camions de marque Fuso qui transportent de nombreuses personnes doivent être assurés. Les responsables de la police de roulage m'ont mandaté de vous dire que la police ne va pas tolérer les véhicules non assurés. Il y a moyen que ces camions de marque Fuso soient assurés avec un nombre de personnes précis. Que ce soit les personnes qui prêtent ou qui louent des camions pour ces activités de propagande, ils doivent payer les assurances pour ne pas avoir des intercations avec la police qui est là pour faire respecter la loi. Et ce qui est bien, c'est que vous qui êtes là avez approuvé cela. C'est le même cas pour les voitures de marque Probox. Nous rappelons qu'il y a un nombre accepté de personnes transportées par ces voitures. Nous profitons de cette occasion pour rappeler de ne pas dépasser le nombre de personnes accordées par l'assurance comme nous sommes convenus. Le gouverneur de la province Ngozi demande à sa population de rester au travail durant cette campagne électorale afin d'éviter une éventuelle famine après ces élections qui s'achèvent avec le mois d'août au Burundi. Albert Ndouimana conseille de suivre la campagne les après-midi après avoir vaqué aux activités quotidiennes. Il a dit ce mercredi en commune Ousiga lors de la réception du marché moderne du petit bétail dans cette commune. Les détails avec Apollinaire Muzakala. Dans son discours conseil prononcé à la population de Ousiga présente, le gouverneur de la province Ngozi demande à la population de la commune Ousiga et de toute la province de suivre de près les projets de société des candidats aux différents postes en vie d'élire non des individus ou partis politiques, mais plutôt des programmes de développement de leur localité en particulier et du pays en général. Albert Ndouimana conseille néanmoins aux populations de vaquer normalement à leurs activités quotidiennes qui leur font vivre et de suivre la campagne électorale les après-midi. Sinon, dit le gouverneur, il y a risque de la famine dans bon nombre de ménages à la fin des élections qui prennent fin au mois d'août. Il invite à cet effet la population en cette période de fin de sarclage pour cette saison culturelle à s'atteler aux cultures d'eau soudure comme la patate douce, le manioc et autres. Cet appel va également à l'endroit des fonctionnaires de cette province. Ils sont aussi invités à suivre ou faire la campagne après le service les après-midi. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à Apollinaire Muzagara pour tous ces détails. Je vous le dis en titre, le Parti Congrès National pour la Liberté, CNL en sigle, dénonce ce qu'il qualifie d'intolérance et de harcèlement politique à l'endroit de ses membres à 4 jours de la campagne électorale de mai prochain. Dans une déclaration de cette formation politique ce jeudi, le porte-parole du CNL déplore l'écart du discours politique de tolérance prônée par les autorités et la situation sur terrain. Terence Manirambona réaffirme l'engagement de ce parti à participer aux élections et d'apporter sa contribution. Le point. Écoutez plutôt le porte-parole du parti CNL. À 4 jours seulement du début de la campagne électorale pour les élections générales de 2020, l'objet de la présente déclaration est, une fois de plus, de dénoncer la recrudescence de l'intolérance politique et le harcèlement des militants du parti CNL en cette période électorale et lancer un appel vibrant à tous les décideurs et intervenants afin de tout mettre en œuvre pour garantir une compétition démocratique apaisée, transparente et équitable. Par ailleurs, le parti CNL est plus inquiété d'un phénomène nouveau de chasse et de traque visant essentiellement ses candidats aux élections à différents niveaux ainsi que les mandataires aux différents bureaux de vote. S'agissant des cas d'assassinat et de dispersion forcée de ses militants, sans être exhaustif, le parti CNL en dénombre plus d'une dizaine de tués et plus de 10 enlèvements et dispersions forcées. Le parti CNL constate un peu partout dans le pays des attaques ciblées contre ses militants, soit dans leur ménage, soit en allant ou en revenant des activités du parti et des destructions méchantes des biens et des maisons appartenant aux militants du parti CNL devenus monnaie courante. Démontage grotesque suivi d'emprisonnement visant les responsables et militants du parti CNL sous prétexte d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, alors que leurs dossiers sont vides, ou même sans dossier, sont observés ici et là. D'autres militants du parti CNL bénéficient de libération auprès des juridictions compétentes, mais restent en prison des mois et des mois. À l'heure où je vous parle, nous dénombrons plus de 200 militants du parti CNL qui sont en prison. Le parti CNL est aussi indigné par les cas de violence physique et verbale contre ces militants qui s'observent dans le pays. Le parti CNL réaffirme son engagement ferme de participer pleinement à toutes les étapes de ces élections de 2020 et de donner sa contribution pour la réussite de tout le processus électoral en cours. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Parlons économie à présent. Le manque de stock stratégique de la conservation du carburant et le fait que le prix du carburant au Burundi n'est pas revu à la baisse au moment où le prix du baril de ce produit a chuté au niveau du marché international. C'est la justification du ministre des Finances prouvant la non-revue à la baisse du prix du carburant au Burundi. Il a dit ce mardi, lorsqu'il présentait à l'Assemblée nationale le projet de loi portant la fixation du budget annuel exercice 2020-2021 sur les inquiétudes des députés par rapport au maintien du prix des produits pétroliers. Domitien Ndihakou Gayo a répondu que cela est dû aux transporteurs du carburant qui traînent suite à l'épidémie du coronavirus. Les détails avec Isidore Abonimane. Lorsque le ministre des Finances présentait à l'Assemblée nationale le projet de loi portant fixation du budget annuel exercice 2020-2021, l'honorable Denis Kalera a soulevé ses inquiétudes sur le prix du carburant qui reste inchangé au Burundi alors que le prix de ce produit a chuté sur le marché international. Il n'y a pas moins d'une année que le prix du carburant a baissé sur le marché international. Aujourd'hui, on observe la chute du prix du produit pétrolier sans précédent. Alors, ici chez nous, comment est-ce que la population puisse bénéficier de ce chute? Domitien Ndihakou Gayo, ministre des Finances, fait savoir que le manque des stocks stratégiques de la conservation du carburant est l'une des raisons du maintien du prix du carburant au Burundi. Le prix du carburant diminue. Le problème est que ici chez nous, les produits pétroliers nous arrivent après une longue durée, car nous utilisons le carburant, je dirais, du jour au jour. Le problème est que nous n'avons pas des stocks stratégiques destinés à la conservation du carburant. Ce qui bénéficie directement la baisse du prix du carburant, c'est ceux qui ont des stocks. Du lest, nous, ça nous arrive plus tard et une fois on diminue le prix et que ça revient à la hausse, le prix monte directement à la pompe. Le ministre des Finances ajoute que le transport des produits pétroliers traîne suite à la pandémie du coronavirus. Le problème qu'il y a ici au Burundi, vous l'avez entendu la fois passée, on parlait beaucoup de la pandémie du coronavirus. Même les importateurs des produits pétroliers depuis Dar es Salaam passaient un mois alors qu'ils devraient arriver ici dans une semaine. Par exemple, à cause du Covid-19, je vous dis que personne ne nous est parvenu ici chez nous avec le carbira tiré à la source, là où on le va au bas prix. Et le prix du baril a coûté $70 américains au mois de janvier de cette année, mais actuellement le prix a baissé jusqu'à $54 américains sur le marché international. Merci à Isidore Habonimana. Je rappelle qu'il est stagiaire à la radio Isanganiro. Retour sur la page politique. Les hommes politiques doivent priver aux enfants l'accès aux certains politiques, surtout pendant la campagne électorale. Ce sont là certaines préoccupations de certains participants dans un atelier de sensibilisation des leaders politiques organisé par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, sur la protection des enfants en période électorale. Jacques Nshimirimana, commissaire à la CNDH, rappelle aux hommes politiques le rôle de protéger les enfants pendant la période électorale. On l'écoute. Nous avons organisé cet atelier à l'endroit des responsables des partis politiques et des candidats indépendants aux élections présidentielles prévues en mai 2020 pour les rappeler leur rôle, leur devoir constitutionnel de protéger les enfants pendant la période électorale. Dans toutes les situations, les leaders politiques sont les premiers responsables qui doivent donner un exemple dans la protection des enfants quand leurs droits sont menacés. Aujourd'hui, nous avons insisté sur cette période cruciale, la période électorale, car nous avons observé dans les élections des années passées que les enfants ont toujours fait objet de manipulations pour des fins politiciennes, alors qu'ils n'ont aucun intérêt là-dedans. Le code électoral est clair en la matière. L'article 4 précise que seules les personnes qui ont 18 ans révolus sont autorisés à participer aux élections. Donc là, la CNDH, sa position a été claire. Donc il faut épargner les enfants contre toute forme d'exploitation pour des fins politiciennes. Poursuivons ce journal par la page Société. Le manque de capital pour promouvoir leurs projets de développement, le manque de l'esprit associatif au sein des coopératives pour les jeunes, tels sont les défis pour le développement des jeunes chômeurs en province Tchankouzo. C'est du moins l'affirmation du responsable du bureau provincial du mouvement coopératif en cette province. Ce responsable du mouvement coopératif demande aux jeunes de la province Tchankouzo d'entrer dans les coopératives pour faire face au chômage. Les détails avec Raymond Mdande. Prenons l'exemple de la coopérative Inhalambigwa, des jeunes de la colline Kigati en commune Gisagara de la province Tchankouzo, coopérative de fabrication des craies et qui projette également de fabriquer les savons. Ezekiel Neziliva, responsable du mouvement coopératif en province Tchankouzo, dit qu'il n'y a pas d'autre solution pour les jeunes de la province Tchankouzo de combattre le chômage que d'entrer dans les coopératives et dans d'autres associations de développement des jeunes. Ce responsable du mouvement coopératif souligne néanmoins quelques défis pour le développement des jeunes en province Tchankouzo, telles que la paresse, le manque de capital et surtout le manque d'informations en rapport avec les coopératives de jeunes. À propos de ce dernier défi, Ezekiel Neziliwa dit que pour pallier à cela, il prévoit de multiples formations pour les jeunes de toute la province de Tchankouzo, formation sur le fonctionnement des coopératives de jeunes et surtout sur leur utilité pour les jeunes qui ont déjà amorcé le pas dans la mise en place des coopératives. Comme c'est de la commune Gisagala, il souligne que malgré les efforts consentis, ils ont encore besoin des appuis de l'État et surtout de la Banque des jeunes pour leur développement durable. Signalons qu'en province Tchankouzo, on compte 146 coopératives, dont 87 coopératives sangue soutenues par l'État et implantées sur toutes les 87 collines de la province Tchankouzo. Depuis Tchankouzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Après cette courte pause, rendons-nous en province Bubanza où la route Bubanza-Ndora passant par Kivyukan, commune Musigati, n'était pas praticable suite depuis la matinée de ce jeudi suite aux éboulements de la montagne Gashinge. C'est après des pluies intenses qui se sont abattues dans cette localité ce mercredi. Des pluies qui ont également endommagé pas mal de choses comme les maisons, les boutiques, les champs et autres, selon sont les habitants de Kivyuka. Le gouverneur de Bubanza indique que l'administration, la police et la Croix-Rouge sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation. Les détails avec Space Caritas Kabanyana. La route Bubanza-Ndola n'est pas praticable depuis ce mercredi soir. Suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la localité de Musigati, des éboulements en provenance de la colline Gashinge ont obstrué la route selon les témoins sur place à Kivyuka. Ces pluies ont également occasionné beaucoup d'autres dégâts. Des maisons d'habitation ont été complètement ou partiellement détruites. Des articles de boutique endommagés, des poteaux électriques sont tombés, des champs de haricots, de bananes et de maïs ont été aussi inondés. Depuis ce jeudi matin, l'administration locale était à pied d'œuvre pour dénombrer et identifier les dégâts. Selon le conseiller de l'administrateur de la commune Musigati, le gouverneur de la province de Bubanza nous a indiqué qu'il avait voulu l'intervention de la direction générale des routes, mais sans succès car la réponse en a été que les machines qui pourraient intervenir sont en train d'être utilisées sur la route Bujumbura-Bugarama. Terence Nobis Buto il précise cependant qu'on va essayer d'utiliser des moyens possibles pour remettre les choses en ordre. À Kivyuka même, le corps de l'homme emporté par les éboulements de la colline Gashinge samedi de la semaine passée n'est pas encore retrouvé selon la police de la protection civile. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. De Bubanza, rendons-nous à Bururi, où aucune terre domaniale ne va échapper à la récupération par l'État et à des fins publiques. Dansinzo Jibgami, conseiller juridique au ministère ayant l'engagement du territoire dans ses attributions, l'a dit ce mercredi à Rutovu, en province de Bururi, lors de la restitution communale de l'inventaire des biens immeubles domaniaux. Un inventaire plutôt, dans lequel certains terrains domaniaux n'apparaissent pas selon l'administration locale et les détails avec Jean-Pierre Misako. Pour le seul exemple de la colline Gikizi, Jean Daitwayeko, administrateur communal de Rutovu, relève trois terrains domaniaux ne figurant pas dans le rapport provisoire rendu public ce mercredi sur l'inventaire des biens immeubles domaniaux que compte cette commune. On a oublié d'identifier certaines propriétés. Je peux citer ici une grande propriété boisée, située sur la sous-colline Murambi, et une autre propriété, située sur la sous-colline Rushiha. Une autre propriété, c'est sur la sous-colline Gikizi. Pour lui, toutes ces terres qui profitent à tous doivent être identifiées et délimitées. Nous voudrions que ces terres reviennent à l'État parce que l'État domanial nous profite tous, également nos enfants. Les générations futures vont aussi en profiter. Dans Sinzo Jibrami, conseiller juridique au cabinet du ministère des Transports, des Travaux publics, Équipement et aménagement du territoire, reconnaît que certaines terres domaniales ont été oubliées par manque d'informations et promet des corrections. Ici en commune Rutovu, nous venons de présenter le rapport provisoire des résultats de l'inventaire des biens immeubles domaniaux dans cette commune. Mais nous avons constaté, comme d'ailleurs son nom l'indique, provisoire, qu'il y a des biens immeubles, des boisements et même d'autres terres domaniales qui ont été oubliées. Donc nous allons intégrer toutes ces corrections. Celles qui nécessitent le retour sur terre, nous allons le faire pour que le patrimoine foncier de l'État soit connu et soit utilisé pour l'intérêt de tous. Il s'agit ici de la dernière commune de la province de Bururi où un rapport provisoire sur l'inventaire des biens immeubles domaniaux a été présenté publiquement pour d'éventuelles corrections dans cette province où ces rapports font état de l'existence de plus de 25 650 hectares de terrains domaniaux. Jean-Pierre Misako de Purutovu, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Toutes les catégories de gens peuvent se préparer à une retraite active pour faire face aux défis observés à l'âge de la retraite. Cela a été dit par la représentante du cadre d'action pour la retraite active, Karian Sigle, lors du lancement officiel de ce cadre. Arkadeni Mobona, qui a représenté le ministre des Droits de l'Homme, a informé que le cadre de la protection sociale va bientôt être analysé à l'Assemblée nationale pour remplacer l'actuel code qui date de très longtemps. À 13h15, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana qui était de l'autre côté de la vitrine à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.